Moi, j'étais intéressée précisément par votre exposé très bousculé de la fin, parce que vous nous avez parlé de la démarche que vous avez utilisée pour collecter vos données. Et alors, j'ai cru comprendre, parce que comme vous étiez très pressé, vous allez me dire si c'est bien ça. Donc, vous avez appliqué la méthode des itinéraires, un parcours sur les traces. Hein, vous avez résumé dans cette formule votre démarche, donc qui consiste à suivre le récit d'un sujet et en prendre des traces, entre autres des traces photographiques, puisque vous vous êtes associé avec Gilles Saussier. Mais alors, parallèlement, Gilles Saussier gardait la liberté, lui, de s'écarter du parcours et du récit qui était donné, puisqu'il vaquait parfois à ses propres affaires et il revenait au bon moment pour prendre des photos. Et en définitive, quand vous avez fait le travail, donc il y a deux parcours qui se sont recoupés, mais qui n'étaient pas du même ordre, puisque votre propre parcours, c'était plutôt un parcours biographique et balisé par des traces, si j'ai bien compris, tandis que l'objet de Gilles Saussier était plutôt directement un objet artistique entendu comme un travail de photographe avec des traces qu'il a traitées selon sa propre approche, sa propre logique artistique. Et dans ces conditions, alors l'objet qui résulte de ce croisement de deux itinéraires, de deux projets, vous le définissez comme un résultat qui est essentiellement une réalisation artistique, ou est-ce un travail de sciences humaines qui ne soit pas du côté artistique, mais qui soit plutôt une approche d'anthropologue, une approche de sociologue? Faut que je réponde d'abord, parce que je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si j'ai bien compris d'abord la démarche. Je ne sais pas si j'ai bien communiqué, oui, parce que en fait, je cherche pas des traces préexistantes d'un photographe ou prénommé par quelqu'un. L'itinéraire, c'est de demander à quelqu'un de m'emmener là où il veut, comme il veut, et d'enregistrer. Oui. Donc je ne connais pas les traces, d'abord. C'est-à-dire que c'est les traces, j'essaie de les collecter dans le parcours. C'est-à-dire que c'est, je n'en ai pas la règle ni l'opérage. Donc le début, les traces se font à travers le récit, à travers le parcours. Enfin, par contre, j'en prélève ce que j'en perçois. Pareil pour le photographe. Le photographe, effectivement, par moment il est proche, par moment il est loin. En fait, ce qu'il cherche, lui, c'est des traces en écho avec le récit. Le récit qu'il suppose exister. Il intervient quelquefois, d'ailleurs. On ne s'est pas mis d'accord là-dessus. En fait. Donc, le problème, c'est que quand vous dites ces deux itinéraires, c'est 10 ou 20 itinéraires. Parce que, en fait, une première fois, il y a lui qui a l'écart, il y a moi qui suis proche de celui que j'écoute, qui m'emmène. Il intervient dedans, on fait plusieurs jours d'ailleurs, et puis ensuite, on revient. C'est-à-dire qu'on retranscrit intégralement le récit, et puis on revient une dizaine de fois sur le lieu des crimes, en faisant le montage implicite dans le fond de ce. C'est-à-dire que peu à peu, on a un récit qui dure sur 4 heures, qui est énorme, et on essaie de réduire à 15-20 minutes pour essayer de faire ressortir, dans le fond, ce qui est en question. Là où il y a des points de butée, ce que j'appelle point de butée, dans le fond, c'est dans les articulations du récit, ce qui interroge autre chose. C'est-à-dire, dans le fond, là où on n'est pas capable de répondre. Là où, dans le fond, les articulations nous laissent en suspens. Et on fait l'hypothèse que c'est ça l'articulation de la logique du sens de l'autre. Parce que c'est là où on ne sait pas pourquoi il y a rupture. C'est-à-dire qu'on prend la rupture comme un lien. Comme un lien linguistique. Donc cette construction, on ne peut pas la faire d'un coup sec. Parce que si on la faisait rapidement, avec une hypothèse sur le sens, en disant ce qui nous intéresse, c'est la ville ou c'est l'histoire de vie d'un SDF, on a toute une série d'informations en fait, pré-collectées, culturelles, apprises, réfléchies. Et nous, ce qu'on cherche à faire dans cette circonstance, moi particulièrement, c'est d'entendre finalement les points de repère extérieurs du monde de coïncidence qu'il convoque. C'est-à-dire par rapport à quel univers de référence il constitue sa parole. C'est-à-dire, dans le fond, il s'agit de l'écouter que lui, mais que lui parce qu'il s'adresse, parce qu'il convoque, dans le fond, ce que Deleuze appelle un paysage par rapport à un visage, il convoque autre chose. Et cette autre chose, on ne sait pas ce que c'est au départ. Parce que nous, on a tendance à le privilégier dans l'autre chose, ce qui fait sens pour nous. Et quelquefois, on dit, il ne convoque rien, mais si, il convoque autre chose. provoque autre chose par le style ou par la manière d'interpeller, ou par la manière d'appeler. Il ne nomme pas toujours ce qu'il provoque. Donc tout le travail de montage est à la fois, j'ai un montage d'ordre littéraire presque, on travaille sur le style, effectivement cette question, avec tout ce que ça comporte d'ambiguïté, et aussi sur le fait de se dire comment cette parole, en tant que ritournelle, est en écho avec elle-même, et comment elle refait dans sa convocation, elle met en rapport un certain nombre d'éléments d'appréhension, d'analyse du champ social qui ne sont pas notre manière de voir. C'est là où cette construction, elle ne peut se faire que par ce va-et-vient constant sur le terrain, le retour, où Gilles Saussier reprend des photos, où on marche tout seul, tous les deux, on se demande qu'est-ce qui s'est passé, et en revenant sur qu'est-ce qui s'est passé, on réinterprète et on retravaille sur le récit. Et en fait, ce que j'ai appris avec lui, c'est d'abord une brutalité relative, puisqu'il refusait de jouer celui qui suit, parce qu'il intervenait quelquefois comme un vrai photographe professionnel habituel, genre reporter en plein milieu d'un récit en disant « Mais alors, qu'est-ce que vous dites ?» Et là, je n'étais pas très content, puisque je écoute mon directeur en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette violence ?» puisqu'il vient de me le dire, ce que tout le monde. Mais en même temps, bon, j'acceptais cette espèce de perturbation, parce que ce qui me paraissait intéressant, c'est finalement, c'est ce lien. On reste différent, effectivement, à la fin. Lui, il va présenter ça à Londres bientôt, bon, il va faire un bal dans des trucs... d'art. Mais ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que peu à peu, on construit quand même un peu ensemble le montage et l'analyse. Bien sûr, c'est lui qui destine un résultat, une forme ailleurs, et moi aussi ailleurs, mais dans le montage, je dirais que c'est quand il prend des photos et que je vois les photos, et quand il lit le texte que je suis en train de monter, il intervient aussi sur le montage du texte, comme j'interviens un peu sur la place des photos. C'est-à-dire qu'il y a en même temps une interférence, ça ne veut pas dire qu'on fait la même chose, ça ne veut pas dire qu'on est confus ou confondu dans ce travail. Mais il y a une interférence qui dépasse le rôle de l'artiste ou de l'anthropologue quelque part. Ça ne va pas jusqu'au bout. Au bout, il y a une distinction. Une distinction, c'est lui l'artiste, il présente son truc, il se connaît pour, et il est reconnu comme tel. Moi, j'allais me faire prendre ailleurs pour le faire reconnaître. Mais en même temps, il y a un espace, il y a un interstice commun qui va assez loin. Moi, ça déplace des questions que je peux poser en termes de scientifique traditionnel. Ce qui me paraît important dans cette affaire le plus, c'est d'une part son attention portée à ce qui ne se dit pas, c'est ces photos qu'il appelle visage dans le paysage, ces photos qui étaient à la fin, qui sont pour lui une représentation de la situation. Mais elles ne tiennent que parce qu'il y a une écriture, que parce qu'il y a un récit, qui ne tiendrait pas toute seule. Et puis ce qui me paraît intéressant aussi, c'est que pour lui, le montage est dès le départ. Il insiste là-dessus. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a une intention quand on va voir quelqu'un, même si on est non directif. On ne va pas voir des gens représentatifs, je ne crois plus. C'est-à-dire que là, on va voir des gens qui sont dans une situation différente dans une ville, et on leur demande de nous emmener, de nous faire déborder, je dirais, de la situation représentative d'un milieu. On leur demande de nous emmener, non pas dans un espace clos qui serait représentatif d'un modèle, mais de nous interroger sur des lignes de différence, des lignes de divergence ou des frontières de passage. Et ce qui me paraît intéressant dans cette histoire, c'est que le temps que l'on a mis à choisir cette personne, alors qu'on en a vu une vingtaine avant, pour accepter de faire un théâtre avec elle, c'est pas seulement parce qu'elles étaient disponibles en termes de temps, ou qu'elles avaient l'air seulement un peu plus sensibles, c'est parce qu'elles nous emmenaient doucement ailleurs. C'est-à-dire que doucement, dans un récit, elles avaient envie de traverser un certain nombre de rapports sociaux, et finalement de situer par leur parole quelque chose qui nous préoccupe. Dans la rencontre même. Donc cette rencontre, on a à l'analyser aussi comme un jeu entre finalement un objet, un sujet de la recherche, mais aussi des personnes que l'on prend comme des gens qui traversent, dans ce que Foucault appelle traverser un récit dans un temps. Là, nous, on le prend presque dans la cueillette, je dirais, des personnes qui vont être nos interlocuteurs privilégiés, puisqu'on les prend pour un instant comme plus que des informateurs, mais comme des analystes de la situation. Donc, je dirais que dès le départ, la question du montage du récit est en acte. C'est-à-dire qu'il y a implicitement déjà une manière d'écouter par rapport à une intention. Et l'intention, c'est de recueillir dans le récit ce que l'on n'entend pas, ce que l'on ne comprend pas tout à fait, mais qui fait résonance sur un certain type de sensibilité étrange qui fait question pour nous, qui ouvre des questions, ou qui met en question nos repères habituels, conceptuels. C'est-à-dire nos catégories de pensée par rapport à ce que peut être l'espace public, la ville, le dehors, le dedans, des choses comme ça. Donc c'est qu'à chaque fois que ces moments-là, nos catégories, qui nous permettent de classer l'ordinaire, d'être précis, sont en question, on se dit c'est intéressant. Donc c'est un peu déstabilisant pour nous aussi d'ailleurs dans le travail, parce que la méthode elle n'est pas aujourd'hui, elle sera toujours en question, elle ne peut pas être complètement formulée, on a besoin d'être précis, mais ce que l'on rend est forcément beaucoup plus une série d'ouvertures, une série d'interrogations qui traversent un autre champ social que la représentation des SDF à Saint-Nazaire. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer d'abord un résultat apparent, puisque les images qu'il y avait ici, c'est quand même le prétexte, mais c'est le boulot, c'est pour ça que je voulais dire sur la fin, le boulot là dont je voulais plus rendre compte, c'est beaucoup plus de cette espèce de navigation entre un artiste et moi, parce que lui aussi navigue avec l'anthropologie. Et effectivement, on ne fait pas une œuvre commune, mais on se côtoie de près. Enfin, c'est un autre dialogue. Tu as une question simple. Attendez, s'il vous plaît, parce que comme on enregistre, c'est mieux d'avoir des. Merci. Non, c'était une question simple, s'il vous plaît. Le cas de SDF, c'est un cas limite. Et est-ce que la méthode fonctionne, produit, avec les gens ordinaires aussi? Oui, mais c'est n'importe quoi appelle ordinaire. c'est des gens ordinaires, pas ordinaires. Et heureusement que les gens ordinaires ne sont pas des gens ordinaires. Non, je dirais là que. Oui, c'est presque ultime. D'ailleurs, moi, j'ai ressenti très durement quand je parle du contre-potentiel, j'aurais voulu en dire beaucoup plus, parce que c'est pas du tout ça d'être 4 ou 5 heures d'une journée à être pris dans la confidence d'un récit assez déprimant, quand même. Et en plus, il y a quelque chose de très fort, ce que je voulais dire à la fin, c'est que le SDF, la marche, il y a quelque chose d'étrange pour lui. C'est que s'il marche pas, il meurt, quelque part. Enfin, il est en train de. Dans ce mouvement même, par rapport à la ville, de constituer la ville comme le seul lieu possible d'une maintenance. Je l'avais fait aussi avec quelqu'un qui était hospitalisé, qui était anorexique à La Roche-sur-Yon, qui marchait toute la journée en lisant un livre aussi. Et c'est vrai que là, c'est une autre épreuve. Donc là, on est effectivement dans un point ultime par rapport à la position corporelle même, du défi. Par contre, c'est beaucoup plus là que je crois qu'il est à la limite de quelque chose que parce qu'il est SDF. Je crois que la limite, justement, c'est ce que j'ai prouvé un peu en travaillant avec eux, c'est que finalement, c'est l'angoisse de ce rejet du monde qui est limite. Peut-être beaucoup plus que justement cette dangereuse proximité qu'on peut avoir quand on est admis et quand on est proche. Ça parce que souvent les jeux de personnes limites sont souvent un défi par rapport à notre représentation. Quand je travaillais avec le docker, j'avais aussi cette inquiétude au départ d'être admis, pas admis. Et en fait, c'est beaucoup plus une intériorisation du rôle qui nous fait donner la séquence, la frontière de la catégorie. Peut-être qu'on va passer la dernière question avant la conclusion de Rachel. Jean-Paul, si tu veux. Oui, ça très bref, simplement pour dire à la fois l'intérêt de ce que tu racontes, en même temps les seules difficultés à rebondir sur ce que tu dis. Après avoir écouté, enfin, je pense que c'est extrêmement difficile de dire quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de questions, je pense, que tu poses, qui sont, en mon sens, assez très stimulantes du point de vue de la recherche, du point de vue de la perspective que tu défends, et qui sont en même temps difficiles à aborder de front. La première question, enfin, la première remarque ou question, en tout cas, je ne sais pas ce que tu vas en faire, c'est comment est-ce que tu négocies, alors c'est en même temps toute ta force, je crois, la capacité à négocier du rapport, de l'articulation entre de l'intime et du public. Et je trouve que là, ce qui est très très intéressant dans ce que tu nous présentes, c'est le fait que tu nous donnes un exemple de la façon dont des travaux en sens social peuvent se saisir d'un style de travail. On n'est plus uniquement dans des protocoles de rigueur ou de scientificité entre guillemets ou de. On est dans une proposition d'un style de recherche en particulier. Alors on pourrait penser à Sanson, on pourrait penser à d'autres gens, mais c'est sous une autre forme, c'est une forme qui est propre, qui est celle d'un style particulier. Donc, moi, j'aurais une question qui est, quand tu négocies l'intime et le public, est-ce que le risque, et comment est-ce que tu négocies ce risque possible d'arriver à l'obscène dans ce que tu proposes, ce que tu présentes? La deuxième question, par rapport aux références que tu as, on voit bien, on entend dans ton vocabulaire et dans tes références, qu'il y a à la fois des références à Deleuze et à Foucault. Tu développes beaucoup plus délibérément et fortement la dimension de l'espace, donc peut-être la parente de Deleuze. Est-ce que, à l'intérieur de ton travail, aussi la parente de l'histoire, de l'historicité, telle que Foucault peut la proposer aussi, c'est-à-dire si. Et là, c'est une question, est-ce que tu te reconnais dans ces deux références de Foucault? Et si c'est le cas, est-ce que ça veut dire pour toi une priorité de l'espace par rapport au temps dans le type de travail que tu proposes? J'ai du mal à te répondre parce que actuellement, là, dans ce que je viens de faire, je suis plus centré sur l'espace parce que dans le fond, c'est paradoxal, c'est parce que dans le fond je suis dans une confrontation de deux rythmes, cette espèce de récit parallèle du photographe, non pas parce qu'il y a des images, mais parce que ces images convoquent un récit parallèle et le mien qui est séquencé d'une autre manière, alors qu'avant je croyais pouvoir travailler sur l'arrêt sur l'image, donc de séquencer la parole par cette espèce d'intersection de l'arrêt sur l'image, comme dit Godard, c'est-à-dire que le film commence quand on met une image fixe, c'est-à-dire quand la question apparaît par rapport au récit, donc le scander comme ça. Alors que là, c'est un peu plus sur quoi j'insiste, mais je pense que la notion de récit, la notion de mémoire est totalement essentielle aussi. Donc ce que je veux dire, c'est que là en l'occurrence, je dirais que c'est un premier temps. C'est-à-dire que dans le fond, il paraissait important, même si c'est un déplacement imaginaire, même si c'est une représentation complètement inventée, d'essayer de dire ce que ça provoque dans ce qu'ils disent, de ce que ça provoque chez moi, dans un transfert premier, mon analyse de la ville. C'est un peu ce que j'ai donné de manière assez naïve, même le discours que j'ai. Je fais des hypothèses, c'est entre deux, c'est pas complètement construit sur une représentation d'espace. Mais c'est finalement des points de percée, d'entraînement pour essayer de voir à travers, de voir autre chose sur l'espace. Ce qui par contre est toujours, en général pour moi, lié à une notion de récit, c'est que finalement, l'itinéraire, la notion de récit, elle est liée à une mise en question de l'attente. C'est-à-dire, dans le fond, la difficulté que j'ai par rapport à la mémoire, par rapport à l'histoire, ce qu'on disait ce matin, c'est que je n'arrive pas du tout immédiatement, tout au moins, à pouvoir relier cette question de la mémoire à la question de l'histoire parce que il y a toujours, dans le fond, dans une évocation au présent, une mise en tension par rapport au récit de quelqu'un sur ce qui, aujourd'hui, finalement, le met dans une référence, problématique, dans une interrogation d'un contexte social qui est historique. Mais ce n'est pas toujours l'histoire. C'est pas, dans le fond, les récits ne sont pas finalement des récits de vie avec leur généalogie complète. Ça a à voir avec une chronologie, mais c'est toujours une mobilisation au présent. C'est adressé à un moment c'est adressé ici et maintenant, de toute façon. Mais, comme tout ici et maintenant, le présent est toujours en tension, toujours en convocation de certains éléments qui ressurgissent du passé. Et dans une interrogation d'un contexte qui se déroule. Alors, c'est cette espèce de dissociation du jeu de la mémoire par rapport à quelqu'un qui essaie de se raccorder à, qui est aussi important dans sa difficulté de raccordement que l'interrogation même qu'il pose. C'est-à-dire que si c'est dans cette distance que je vais essayer de travailler, c'est-à-dire quel écart a un groupe social formé par plusieurs personnes par rapport à un autre dans cette manière de parler dans un autre temps des choses qui existent. Notre parallélité.